إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فقد بعث الله جل وعلا نبيه محمد صلى الله عليه وسلم رحمة للناس ويقول الله جل وعلا وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ويقول الله تبارك وتعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا الله عز وجل envoyé son prophète Mohammed sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam comme une miséricorde pour les gens puisqu'Allah azza wa jalla a mentionné selon le sens des versets وَمَا أَرْسَلْنَاكَ nous ne t'avons envoyé إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ que comme une miséricorde pour les gens. Rahmatan lil alamin. Pour les gens, c'est-à-dire pour les mondes. Et Allah Azza wa Jalla a fait de la communauté de Muhammad sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam, Muhammad ibn Abdullah, la communauté du juste milieu. Wa kadhalika ja'alnakum ummatan wasatan. Nous avons fait de vous une communauté du juste milieu. Pourquoi ? Pour que vous soyez témoins sur les gens. Et le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, est témoin pour vous. C'est-à-dire que le Nabi, sallallahu alayhi wa sallam, et cette communauté ont toujours été au juste milieu. Al-wasat, le juste milieu. Ni ils ont exagéré, ni ils ont délaissé. Parce que si tu remarques bien, al-mubtadi'a, ou bien ils exagèrent, les gens qui ont innové dans la religion d'Allah, tabaraka wa ta'ala, ou bien ils sont dans le rouleau, ils ont exagéré, ou bien ils sont partis dans l'autre extrême, ils ont délaissé. Or, la communauté de Muhammad ibn Abdullah, sallallahu alayhi wa sallam, se trouve, elle, au juste milieu. Cela prouve bien que l'islam interdit le fait d'exagérer dans la religion d'Allah, tabaraka wa ta'ala. Il y a de nombreux textes là-dessus, vous avez même un chapitre dans Riyad Salihin de l'imam Nawawi rahimahullah, sur l'interdiction de l'exagération. Vous avez beaucoup d'ahadiths là-dessus. Et kadhalik, cette religion a empêché et a interdit le fait d'être à l'opposé de l'exagération, c'est-à-dire de tout délaisser et de ne rien faire. Donc cette religion, c'est la religion du juste milieu, walillah alhamd, dénuée de toute imperfection, dénuée de toute injustice, et une religion parfaite révélé par Allah tabaraka wa ta'ala. Donc, on se doit d'être au juste milieu. Fil aqwali wal a'mal wal aqaid, dans les paroles, dans les actions, jusqu'à même dans la croyance. L'irtiqad, yani l'aqida. Même dans la croyance, tu te dois d'être au juste milieu. Tu ne dois pas exagérer ou délaisser certaines choses dans cette aqida. As-salima, as-sahiha, dans cette bonne croyance qu'Allah tabaraka wa ta'ala a révélé à son prophète sallallahu alayhi wa sallam. Quant à ceux qui ont le plus ressemblé au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, hum ahl sunnah wal jama'a. Ce sont les gens de la sunnah et du groupe. Ahl sunnah wal jama'a. As sunnah hiya sunnatun nabi sallallahu alayhi wa sallam. C'est la sunnah du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Qu'elle soit dite, qu'elle soit faite, appliquée, ou bien lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a confirmé une chose, il a laissé faire la chose, ça veut dire qu'il a confirmé. Hadi sunnah. Ça, c'est la sunnah du prophète. Ahl sunnah. Ce sont les gens de la sunnah. Quelle sunna? La sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Wal jama'a, al-ijtima'a ala sunna. Al-jama'a, c'est le groupe, mais c'est le groupe qui est sur la sunna. Parce qu'un groupe qui n'est pas sur la sunna, tu peux pas l'appeler al-jama'a. Al-jama'a, ça veut dire forcément qu'ils sont à l'al-haq. À la sunna du Nabi sallallahu alayhi wa sallam. À partir du moment où une jama'a, elle sort de la sunna, elle n'est plus une jama'a. Elle n'est plus une jama'a. Elle devient un groupe. Un groupe qui est sorti de la sunna. Al-jama'a, tant que tu es sur la sunna, tu représentes al-jama'a, même si tu es seul. Comme il a dit Abdullah ibn Mas'ud, radiallahu anhu. Il faut bien comprendre cette chose-là. Al-sunna wa al-jama'a. À partir du moment où un groupe, il n'est plus sur la sunna, ce n'est plus al-jama'a. Ce n'est plus al-sunnati wa al-jama'a. C'est pour ça que Cheikh Al-Islam Taymiyyah, rahimallah, qui ramène de Abdullah ibn Abbas, radiallahu anhuma, il précisait bien, comme tu dis les gens de la sunna et du groupe, alors tu dis les gens ahlul bidah ou al-firaq, les gens de la division, les gens de l'innovation et de la division. Pourquoi est-ce qu'ils sont divisés? Parce qu'ils sont dans le bidah. Pourquoi est-ce qu'ils sont unis al-jama'a? Parce qu'ils sont à la sunna. Donc al-jama'a, il ne faut pas comprendre un groupe ou le nombre. Le nombre, il n'a jamais fait la vérité. Allah Azza wa Jalla a bien mentionné à son prophète, si tu suis la majorité des gens, tu t'égareras. Hein? La majorité des gens, ils vont en enfer ou ils vont au paradis? Ils vont en enfer. Ce n'est pas la majorité qui fait la vérité. Un prophète, Yom al-Qiyamah, viendra tout seul. Sa umma, personne ne l'a suivi. Donc ce n'est pas la majorité qui fait la vérité. Donc si ici, al-jama'a, ça voulait dire le plus, le nombre, eh bien là, non. Hein? Parce que les textes du Coran et de la Sunna viennent prouver que ce n'est pas le nombre qui est al-dalil, qui est une preuve. Al-jama'a, pourquoi? Parce qu'ils sont à la Sunna. Donc ceux qui ont le plus ressemblé, c'est qui? Al-sunnati wal-jama'a. Ceux qui ont le plus ressemblé à cet islam, fi jami'i umurihim iqtida'an bin-nabi sallallahu alayhi wa sallam khurafahi ar-rashidin ittiba'an lil-kitabi wa-sunna. Ittiba'an lil-kitabi wa-sunna. Donc ce sont ceux qui ont ressemblé dans toutes choses, fi jami'i umurihim, dans toutes choses, dans tout ce qui est du domaine de la religion, ils ont suivi le prophète sallallahu alayhi wa sallam, khurafa ar-rashidin, c'est-à-dire as-sahaba radiyallahu ta'ala anhum, comme a dit le nabi sallallahu alayhi wa sallam, alaykum bi sunnati wa sunnati al-khulafa ar-rashidin al-mahdihi min ba'di, soyez sur ma sunna et la sunna des califes bien guidés après moi, bien guidés. Al-Rashidin al-Mahdihin. Al-Rashidin, les bien guidés. Ou al-Mahdihin, c'est aussi les bien guidés. Sauf qu'il y en a un pour l'Ijtinab, Fitnat al-Shahawat wa al-Shubuhat. Yani, ils ont eu la guidée parfaite, complète. Ils sont à l'abri de Fitnat al-Shubuhat wa Fitnat al-Shahawat. Tout ce qui touche le domaine de la religion, ils sont préservés. Tout ce qui touche le domaine de la dunya, ils sont préservés. Radiallahu ta'ala anhum. عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. Soyez sur ma sunna et celle des califes bien guidés après moi. Donc dans toutes choses, ils ont ressemblé au prophète sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam et aux sahaba radiallahu anhum ittiba'an lil-kitab wa sunna. Sur le Coran, on est en suivant le Coran et la sunna bifahmi salaf al-umma. Par la compréhension as-salaf. Man hum as-salaf? As-salaf, c'est les anciens. As-salaf al-umma, yani as-sahaba, radiallahu ta'ala anhum. Donc, ceux qui les ont suivis, ils sont à l'al-wasat, forcément. Ils sont sur le droit chemin. Si le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, est sur un chemin droit et du juste milieu, et que ses compagnons sont sur le juste milieu, si tu les suis, tu seras sur le juste milieu. Tu ne seras pas dans les deux extrêmes. Et les premiers à avoir été sur le juste milieu après le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est As-Sahaba radiallahu ta'ala anhum. Tayyib. Et c'est pour ça qu'Allah Azza wa Jalla l'a bien mentionné, ainsi que son prophète sallallahu alayhi wa sallam, que c'est bien khayrun nas, ce sont les meilleurs des gens. Ce sont les meilleurs des gens. Hum as-sahaba radiallahu ta'ala anhum, parce qu'ils étaient sur le suivi du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Wa lidhalika kana ahl sunnah. Et c'est pour ça que les gens de la sunna, ont été, sont le meilleur groupe de cette umma. Allah al-wasat, ils sont sur le juste milieu. Fahum taifatul mansour wa firqatul najiyah. Wahum al-firqatul najiyah wa taifatul mansour. Ils sont le groupe victorieux. Al-mansoura, le groupe victorieux. Wal-firqatul najiyah. Najiyatun min al-bid'ah fi hadhihi ad-dunya wa min an-nar fi al-akhirah. يقول النبي صلى الله عليه وسلم فإن كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ils sont le groupe victorieux. Victorieux sur quoi? Sur les autres groupes, jama'at, sur les autres groupes. هذه الجماعة أهل السنة, ils sont victorieux sur les autres groupes. Et ne croyez pas que أهل السنة c'est un groupe parmi d'autres groupes, comme on essaie de nous le faire croire. Ahl Sunna, ce n'est pas un groupe parmi d'autres groupes. Ahl Sunna hum al-firqatun najiya. C'est le groupe sauvegardé, comme il a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans une riwaya. C'est le groupe sauvegardé. Sauvegardé de quoi? De l'innovation. Ils ne sont pas touchés dans, par les innovations. Leur manhaj, manhaj al-salaf, manhaj al-sahaba, radiallahu ta'ala anhum. Ittiba' al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam bifahmi salaf al-ummah. Ils sont victorieux, pourquoi? Ils sont victorieux sur les gens de l'innovation. Pourquoi? Parce que les innovations ne les touchent pas. Mais eux, ils font at-tahdhir ala ahli al-bid'ah. Ils préviennent sur les gens de l'innovation. Et cela est une obligation pour les gens de la sunna. Tayyib. ومن المعلوم أن أهل السنة والجماعة هم أصحاب الرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهم التابعون التابعون لهم بإحسان. أهل السنة ce n'est pas que الصحابة. Certains pensent que أهل السنة والجماعة أهل السنة والجماعة c'est الصحابة فقط. Non. Même ceux qui les suivent qui suivent les sahaba, ils sont Ahl Sunnati wal Jama'a. Ahl Sunnati wal Jama'a, wa hadhihi al Jama'a, ce n'est pas que les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Toute personne qui suit la sunna et qui suit les sahaba radiallahu anhum dans la compréhension de cette sunna, il fait partie de Ahl Sunnati wal Jama'a. Fi kulli makan wa fi kulli zaman, en tout temps et en tout lieu. En tout temps et en tout lieu, quel que soit le lieu sur terre, quel que soit le temps. À partir du moment où il suit Al-Kitab ou Al-Sunna, بفهم أهل السنة والجماعة, يعني بفهم الصحابة رضي الله عنهم, هو من أهل السنة والجماعة. وهو أهل السنة والجماعة. Il fait partie des gens de la Sunna du groupe, et même s'il est seul, il est lui أهل السنة والجماعة. C'est lui-même tout seul qui représente أهل السنة والجماعة. Et ce n'est que lorsque les innovations ont commencé à arriver dans la communauté du prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, que les sahaba, wa tabi'un, radallahu ta'ala anhum, ont commencé à s'appeler Ahlu Sunnati wal Jama'a. Parce qu'à l'époque du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, l'innovation ne sortait pas. Après la mort du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, puis vers le khalifa de Uthman radiallahu an wa kadhalik Ali ibn Abi Talib al-bid'ah, les innovations ont commencé à arriver fortement et là il y avait ça a émergé d'un coup et beaucoup, et c'est là que ils se sont mis à s'appeler al-sunnati wal-jama'a. Sinon il n'y avait pas ce nom avant, parce que certains vont dire Allah nous a appelé muslimoun dans le Coran. Alors ça s'arrête là. On n'a pas à s'appeler d'un autre nom. Kadhalik as-sahaba radhiyallahu anhum. Eux aussi, ils sont muslimoun. Alors comment cela se fait-il qu'ils se sont appelés Ahl Sunnah wal Jama'a? Litamyiz bayna Ahl Sunnah wa Ahl al-Batil, Ahl al-Bid'ah wa al-Hawa. Litamyiz bayna Ahl al-Haqq wa Ahl al-Batil. Litamyiz bayna Ahl al-Tawhid wa al-Sunnah. ولأهل أهل الشرك وأهل البدع. Ils ont mis ce nom Ahl-Sunnati wal-Jama'a parce que c'est devenu une nécessité afin de faire la différence entre les gens de l'innovation et les gens de la Sunna. Il fallait faire cette distinction. Pourquoi ? Parce que tous se disaient musulmans. Et il en est de même dans notre temps. Chaque musulman, il dit « Ana muslim » « Wa ana tabi'u al-kitab wa sunna bifham al-sahaba » Quel musulman il va renier ça ? Quel musulman il va dire « Moi, je ne suis pas le Coran et la Sunna, la compréhension de sahaba » Même s'il insulte Abu Bakr ou Omar, il dira « Je suis le Coran et la Sunna, la compréhension de Ali ibn Abi Talib » D'autres diront « Je suis le kitab wa sunna, la compréhension de Uthman » à la compréhension de Foulen et Wafoulen. Quel musulman il va dire « Je ne suis pas le Coran et la Sunna, la compréhension de Sahaba » Aucun. Chaque musulman dit ça. Et chaque groupe mentionne la même chose et se revendique de la même chose. Suivre le Coran et la Sunna à la compréhension de Sahaba. Donc on est arrivé à un moment où comment on fait la distinction alors ? Puisque chacun dit qu'il suit le Coran et la Sunna à la compréhension des pieux prédécesseurs. Tout le monde le dit. Alors ils se sont appelés « Al-Sunnati wal-Jama'a » seulement quand l'innovation a commencé à arriver et un grand nombre de sectes et de groupes de l'égarement ont commencé à émerger. Donc il devenait nécessaire de montrer le véritable islam et de bien distinguer entre les gens qui suivent l'islam authentique du prophète Mohammed et ceux qui suivent l'innovation et qui ont transformé ou voulu transformer cette religion d'Allah tabaraka wa ta'ala. Ensuite, il est clair qu'il n'y a pas eu que ce nom-là. Ahl-Sunna wa Ahl-Sunnati wal-Jama'a wa al-Firqatu al-Najiya wa al-Taifatu al-Mansura wa Ahl-Hadith wa Ahl-Athar wa Ahl-Hadith wal-Athar. L'imam Ahmed, rahimahullah ta'ala, lorsqu'on lui a demandé par rapport au hadith du prophète sallam, quand le prophète sallam a mentionné kulluha finnar illa wahida, ma communauté se divisera en 73 groupes. Certains vont dire, ce hadith, il n'est pas sahih. Il y a 7 chaînes de transmission. 6 chaînes et plus par rapport à ce hadith. Même s'il n'est pas sahih par une chaîne, il est authentique par 6 autres chaînes. Il y a plusieurs chaînes de transmission. Qala kulluha finnar illa wahida. Il a dit, les juifs se sont divisés en 71 groupes. Les chrétiens se sont divisés en 72 groupes. Ma communauté se divisera en 73 groupes. Tout ira au feu, sauf une seule. Les sahaba, tous ils ont dit, c'est laquelle, ya Rasulallah, au messager d'Allah ? Il a répondu, ceux qui sont sur ce que je suis, moi, aujourd'hui, et mes compagnons. Yani, ala al-kitab wa sunnah, bifham salaf, bifham sahaba, radiallahu ta'ala anhum. Est-ce que quelqu'un peut dire, j'ai mieux compris que les sahaba ? C'est impossible. Impossible. Puis le temps a passé. Comme on a dit, As-Sahaba et d'autres se sont mis à s'appeler Al-Sunna, Al-Sunnati wal-Jama'a. Mais le problème, c'est que les Mubtadi'a ont pris le même nom. Al-Sunnati wal-Jama'a, nahnu kadhalik Al-Sunnati wal-Jama'a. Aujourd'hui, si tu interroges Ahlul Bidah, chaque firqa dit nahnu Al-Sunnati wal-Jama'a. Jama'at al-Takfir, Jama'at al-Tabligh, Jama'at al-Ikhwan muslimin, wal-Ahbash, wa kulluhum. Hum yaquluna nahnu Al-Sunnati wal-Jama'a. أين التمييز بين أهل الحق وأهل السنة وأهل الباطل وأهل البدع؟ Donc on en revient encore à la même chose. Comment on va faire la distinction? Et l'imam Ahmed, lorsqu'il a été interrogé, c'est qui celle-là là, qui est sauvegardée du feu? Il a dit, si c'est pas Ahlul Hadith, je vois pas qui c'est. Donc il a nommé encore un nom, Ahlul Hadith. Puis le temps a passé et d'autres noms sont arrivés comme Ahlul Hadith wal Athar ou Ahlul Athar, yani Athar Salaf. Athar ou Sahaba radiallahu anhum. Al-Athar, les traces, ceux qui suivent la trace. Qui suit quelle trace hein? Quand il y a des traces par terre, tu marches sur les mêmes traces, tu suis la trace de Salaf, la trace de As-Sahaba. Tu comprends les textes à la même compréhension que eux. Les tamiz, faqat, ce n'est que pour discerner entre le vrai et le faux, entre les gens du vrai et les gens du faux. Comme l'ulama l'a mentionné, tant que Ahlul Bidah ils existent, on est obligé d'avoir un nom qui distingue les gens de la Sunna et les gens de l'Bidah. Tant que le Mubtadi'a ils existent. Parce qu'aujourd'hui, le mot musulman, il ne suffit pas. On est obligé de pousser plus loin. Quant à ceux qui disent « Oui, mais la division, c'est vous qui la voulez, c'est vous qui la faites. » Le sunna, ils n'ont jamais voulu la division. Il n'y a pas quelqu'un comme les gens de la sunna qui espère que les gens reviennent à la sunna. Comme il a mentionné Cheikh Mourbil, rahimahullah ta'ala, nous, on ne demande rien. Il a dit « Ahl sunna, on ne demande rien. Ni argent, ni le bien des gens, ni leurs épouses, on ne demande rien du tout. Tout ce que l'on souhaite et ce qu'on veut, c'est que les gens reviennent à la sunna. C'est tout. Ils reviennent au Coran, à la sunna, à la compréhension de sahaba. C'est tout ce qu'on demande. » Voilà ce qu'il a dit Cheikh Mourbil. Cheikh Mourbil, plusieurs fois, on lui a proposé de l'argent, des malades avec de l'argent. Sachez que le Yémen, c'est le pays arabe le plus pauvre. Cheikh Mourbil était très pauvre. Combien de fois on lui a ramené de l'argent, tiens? Et après, on lui a fait comprendre qu'il fallait faire une certaine da'wa, une certaine prêche. Walillah alhamd, il a toujours refusé. Il a dit, reprenez votre argent et partez. Walhamdulillah. Hum ahl sunnah. Mutamassik bi sunnati nabi sallallahu alayhi wa sallam. Mutamassik bil manhaj salaf salih. Tayyib. Donc il n'y a pas de doute que celui qui se dit min ahl sunnah ou min ahl sunnati wal jama'a ou min firqatin najiyah ou taifatin mansoura ou ahl al hadith wal athar wajib alayhi ittiba' al salaf ittiba' al sahaba radiyallahu ta'ala anhum wa qad amarana Allahu jalla wa ala bi ittiba' al sahaba yaqul Allahu jalla wa ala wattabi' sabila man anaba ilayya. Allah azza wa jalla dit, selon le sens des versets, suis le chemin de celui qui est venu à moi. Suis le chemin de celui qui est venu à moi. Ici, Allah Azza wa Jalla, il t'ordonne de suivre le chemin qui est venu à Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ibn al-Qayyim rahimallah a bien mentionné wa kullu min as-sahaba munibun ila Allah Jalla wa Ala. Fa wajib alayhi ittiba' as-sahaba. Il a dit qu'il n'y a pas de doute que tous les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam ont répondu à l'appel et sont allés vers Allah Azza wa Jal. Sont allés vers Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ils ont répondu à cette da'wa. Donc si Allah Azza wa Jal t'ordonne de suivre celui qui a répondu à cet appel, celui qui est allé vers Allah, alors tu te dois de suivre les sahaba parce que ce sont les premiers qui ont répondu à l'appel du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam. Cela signifie que dans ce verset, « Wattabi' sabila man anaba ilayya ittiba' as-salaf » Ittiba' as-sahaba. Ici, on a la preuve qu'on doit revenir à ceux qui étaient avant nous. Wa yaqul Allahu jalla wa ala wa yahdi ilayhi man yunib. Et Allah guide celui qui répond à l'appel. Donc, en suivant ceux qui ont répondu à l'appel, as-sahaba, toi-même tu seras guidé. Puisqu'Allah Azza wa Jalla il mentionne, il est guidé, Allah le guide, celui qui répond à cet appel. Qui répond à l'appel d'Allah. Et toi, en suivant ceux qui ont répondu à l'appel d'Allah, as-sahaba radiallahu anhum wa hum as-salaf, alors forcément tu seras sur la bonne guidée. Wa yaqul Allahu jalla wa ala was-sabiqun al-awwalun min al-muhajirin wal-ansar wal-ladhina attaba'ahum bi-ihsan radiallahu anhum wa radu'an wa addalahum jannatin tajri tahtaha l'anhar khalidina fiha abadan dhalika al-fawzul azim. As-sabiqun al-awwalun min al-muhajirin wal-ansar. Ici, Allah Azza wa Jalla va te montrer faire les éloges de sahaba. As-sabiqun al-awwalun, les premiers qui vous ont devancé. Min al-muhajirin wal-ansar, ceux qui ont quitté la Mecque pour Médine, hum as-sahaba, et ceux qui étaient aussi al-ansar à Médine, qui ont accueilli le prophète sallallahu alayhi wa sallam, was-sahaba, wa hum sahaba. Et c'est pour ça qu'Allah Azza wa Jalla a mentionné le muhajirin avant l'ansar. Parce que le muhajirun, ils sont mieux que l'ansar. Parce qu'ils ont délaissé leur terre, leur famille pour Allah tabaraka wa ta'ala. As-sabiqun al-awwalun min al-muhajirin awwalan wal-ansar thaniyan. Et c'est là qu'Allah Azza wa Jalla mentionne et ordonne à chaque musulman de les suivre. Wal-ladhina tab'a'uhum wal-ladhina والذين اتبعوهم بإحسان. Et ceux qui les ont suivis dans le bien. Et ceux qui les ont suivis dans quoi? بالإحسان. بإحسان يعني على سنة النبي صلى الله عليه وسلم. Et ceux qui les ont suivis حتى تقوم الساعة, jusqu'à ce que l'heure arrive. Jusqu'à ce que l'heure arrive. Radiallahu anhum wa radu an. Allah est satisfait d'eux. Donc on voit bien que Ahl Sunnati wal Jama'a, ce ne sont pas que Sahaba. Ce ne sont pas que les Muhajirun ou l'Ansar. Même ceux qui les suivent, Allah est satisfait d'eux. Et eux sont satisfaits d'Allah. Parce qu'ils ont trouvé ce qu'Allah leur avait promis. Subhanahu wa ta'ala. Tayyib. Quant à celui qui innove dans la religion d'Allah, tabaraka wa ta'ala, en aucun cas on ne peut l'appeler Ahl Sunnati wal Jama'a. En aucun cas on ne peut l'appeler Ahl Sunnati wal Jama'a, parce qu'il ne suit plus la Sunna à ce moment-là. Et ce n'est pas une innovation que le fait de mentionner un nom. Comme on entend aujourd'hui, As-Salafiyyoun. Certains disent, Hadi bid'a. Hadi tasmiya bid'a. Ce que vous dites là, As-Salafiyyoun, As-Salafiyya, Hadi bid'a. Ça n'existait pas au temps du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Na'am, Ahl Sunnati wal Jama'a, Hadi tasmiya, n'existait pas aussi au temps du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Alors pourquoi vous reconnaissez Ahl Sunnati wal Jama'a, wa Ahl Sunna, wa Ahlul Hadith, wa Ahlul Athar, mais vous ne reconnaissez pas As-Salafiyya? Parce qu'aujourd'hui, tout le monde dit Ahl Sunnati wal Jama'a. Nahnu Ahl Sunnati wal Jama'a. Aïna t'amiz. Comment faire la différence alors dans ce cas-là? Si même l'innovateur, il se dit Nahnu Ahl Sunnati wal Jama'a. Et subhanallah, jusqu'à ce qu'on arrive à aujourd'hui, l'époque d'aujourd'hui, maintenant, où Ahlul Bida'a, ils disent Nahnu Salafiyyun. مقال الشيخ الرابع المدخلي حفظه الله تعالى الشيعة والصوفية هم يقولون نحن سلفيون سبحان الله ما مش للشيئت ما مش لجند الصوفية أهل البدح يلديز نحن سلفيون يعني نتبع السلف ما معنى السلفي ما معنى السلفية أتبع الكتاب والسنة بفهم السلف سيلون كم فراز Je suis le Coran et la Sunna à la compréhension des salaf, à la compréhension des pieux prédécesseurs qui sont les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est long. قل انا السلفي. كذلك السني. من هو السني? Quand quelqu'un dit انا سني. C'est quoi? يتبع السنة. Il suit la Sunna. سلفي هو يتبع السنة لكن بفهم السلف. ولا بفهم فلان وفلان وفلان. بفهم السلف الصحابة والتابعون والتابع تابعين à la compréhension de ces trois nobles générations الصحابة ceux qui les ont suivis après et ceux qui les ont suivis encore après رضي الله تعالى عنهم donc il n'y a pas de différence entre sunni et salafi il n'y a aucune différence là-dedans les gens ils voient une innovation dans l'un mais pas dans l'autre. Et pour corriger cette idée où les gens disent la Oumma se divise en deux, il y a Sunni wa Shi'i. Laïsa bisahih. S'il n'y avait que deux groupes, ça se saurait. Or, le prophète l'a bien mentionné, 73 groupes. 72 au feu et un au paradis. Il n'a pas mentionné deux groupes. Pourquoi? Parce que malheureusement aujourd'hui, l'idée qui a traversé les cœurs des musulmans, c'est qu'ils pensent que certains des gens de Ahlul Bidah, c'est Ahl Sunnati wal Jama'a. Ils les ont rentrés dans Ahl Sunnati wal Jama'a. Or, celui qui est d'Ahl Sunnati wal Jama'a, il yattabi'u salaf al-salih fi kulli shay. Fi kulli shay. Comme on va le voir après, puisque pour l'instant, ce n'est que la muqaddima de cette risala. Wa yaqulu Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah, rahimahullah, fa inna madhhab al-salaf la yakun illa haqqan. Man qal? شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. إلى ديكوا فإن مذهب السلف مذهب السلف le fait de suivre hein, l'école des pieux prédécesseurs مذهب يعني مذهب comment on dit l'école hein, l'école des pieux prédécesseurs des salaf des anciens لا يكون إلا حقا ça ne peut être que la vérité ça ne peut être que la vérité. Suivre le salaf, ça ne peut être que la vérité. Et tous, parmi les grands savants, même les quatre madhahib, Abu Hanifa, l'imam Malik, l'imam Abu Hanifa, l'imam Malik, l'imam Shafi'i, l'imam Ahmed ibn Hanbal, وكذلك شيخ الإسلام تيمية وابن القيم وغيرهم tous ont suivi مذهب السلف في كتبهم وفي أقوالهم وفي أخلاقهم في كل شيء. Tous ils ont suivi مذهب السلف, c'est-à-dire l'école des pieux prédécesseurs des Sahaba رضي الله تعالى عنهم. Celui qui a cru que السلف ça voulait dire autre chose, il s'est trompé. السلف c'est les premières générations, c'est tout. السلفي c'est celui qui les suit eux dans la compréhension des textes. Ça s'arrête là. Le problème, c'est que Ahlul Bidah se donne le nom salafi, ce qui vient mettre le doute chez beaucoup de personnes. Al-Khawarij, ils se donnaient des noms, ils changeaient de nom à chaque fois. Cette première secte qui est sortie, qui a combattu les compagnons du prophète, ils changeaient de nom à chaque fois. C'est pour ça que Cheikh Al-Albani, rahmallah, il disait aux gens qui suivaient le madhab Al-Khawarij, vous pouvez vous donner le nom que vous voulez, vous êtes toujours les mêmes. Vous avez toujours les mêmes règles, les mêmes innovations, toujours le même chemin que vous suivez. Donc que vous changiez de nom, ce n'est pas un problème parce que vous êtes toujours les mêmes. Et c'est comme ça qu'on vous reconnaît. Tu peux te donner le nom que tu veux. On va te reconnaître avec ton manhaj, ta manière de comprendre cette religion. Ma ma'na al-manhaj, y'ani al-fahm. Manhaj al-salaf, bifham al-salaf. Wa yifham al-Qur'an, bifham al-salaf. Yifham al-ahadith, bifham al-salaf. الصحابة رضي الله تعالى عنهم ومن تبعهم. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on voit que beaucoup ont commencé, et cela date même à l'époque où ils insultent الدعوة السلفية. Ils insultent الدعوة السلفية, où ils mentent sur la الدعوة السلفية en disant que c'est الدعوة الحزبية. السلفيون c'est un حزب. السلفيون c'est un حزب. C'est un parti parmi tant d'autres. Sauf que ce parti-là, il fait des dégâts. Voilà ce qu'ils disent. C'est un parti qui divise les gens. C'est un parti qui ne veut pas l'union des musulmans. Voilà ce que l'on trouve à droite, à gauche. Parce que l'une des techniques du Mubtadir, c'est quoi? Pour s'attirer la Ummah, pour s'attirer les gens de la Ummah qui sont ignorants, c'est de prévenir immédiatement contre ceux qui préviennent contre lui. D'écarter les gens de Salafiyyin. Pourquoi? Parce que Salafiyyin, hum al-Sunnah. Et eux, ils marchent avec Dalil, bil kitab wa sunnah wa bil dalil. Il n'y a pas quelqu'un des gens de la sunnah sans que lorsqu'il ramène une chose, il a Dalil avec lui. Il faut croire ça, Ad-Dalil, qala laqa ar-Rasul, bifam salaf. Il faut dire telle chose, il a Dalil. Il faut faire telle chose, il a Dalil. Ça, c'est une ibada, il a Dalil. Il a toujours un Dalil. Yattabi'u ad-Dalil. Il suit les preuves. Alors l'une des choses qu'ils ont fait, c'est d'écarter les gens de Salafiyya, de Ahl Sunnah, en les insultant, en mentant sur eux, en disant qu'ils ne veulent que l'égarement. Regardez comment ils critiquent tout le temps. Ceux qui critiquent tout le temps, c'est ceux qui veulent séparer, diviser. Le prophète sallam n'a-t-il pas critiqué? Le prophète sallam n'a-t-il pas dit, je viens diviser al-mufarriq, al-farqu bayna al-haqq wa al-batil? Je divise entre le vrai et le faux. Quand Quraysh, ils ont dit, ils divisent les familles, ils divisent le père avec son fils, ils divisent les tribus, ils divisent les clans, etc. Il a dit, na'am, bien sûr je divise, mais je divise entre le vrai et le faux. Comme Allah Azza wa Jalla lui-même a divisé entre le vrai et le faux. Et comme il divisera les gens, yom al-qiyama, bayna ahlil jannah wa ahlil nar, entre les gens du paradis et les gens de l'enfer. Et lequel veut la division? Celui qui voit un mal chez son frère et qui le corrige? Et ce qui est critiquable est critiquable? Ou bien c'est celui qui voit son frère dans un mal et il ne dit rien du tout? Lequel a voulu le plus de bien? C'est celui qui a laissé faire la chose? Et qu'une fois qu'il tombe, il dit pourquoi vous m'avez laissé faire et on ne lui a rien dit? Ou bien c'est celui qui voit son frère qui va dans un mauvais chemin qui lui dit hop, hop, hop, reviens par là. Ça, ce n'est pas le chemin de la sunna. Le chemin de la sunna, c'est par là. Après, il suit ou ne suit pas, ce n'est pas toi qui détiens les cœurs. Mais au moins, tu as prévenu, comme le prophète m'a prévenu, comme le sahaba a prévenu. Après le troisième siècle, après la troisième génération, après le prophète, et la quatrième génération, il y a beaucoup de livres sur la aqida qui sont apparus. Pourquoi? Parce qu'il fallait maintenir cette aqida as-sahiha, aqida as-salaf. Pourquoi? Parce que les gens de l'innovation commençaient à transformer, à croire certaines choses. Alors, les savants de Al-Sunna ont commencé à écrire beaucoup, beaucoup, beaucoup de livres. Parmi eux, Shar Sunna de l'imam Barbahari, rahimallahu ta'ala. Kadalik l'imam Ahmed, Kitab Al-Sunna. Kadalik Kitab Al-Sunna de son fils, Abdullah. Abdullah ibn Ahmed ibn Hanbal. Et d'autres, comme Suyuti ou Ibn Taymiyyah, lorsqu'il a écrit l'Aqida Al-Wasitiyya. L'imam Tahawi, l'Aqida Tahawiyya, tous ces livres-là, ils ont été écrits pour quoi ? Pour, et dans tous ces livres-là, on trouve une contradiction sur les croyances des gens de l'Bidah. Lisez ces livres-là. Regardez, vous verrez dedans, s'il n'y a pas la critique dedans. Parce que les gens de la Sunna sont obligés de critiquer les gens de l'innovation. Et à l'époque, même de Cheikh Mohammed ibn Abdel Wahhab, rahimallah, il fut insulté de la sorte. Lorsqu'ils ont dit, lorsqu'il a écrit son livre, Nawaqid al-Islam, les annulations de l'islam, les actes annulatoires de l'islam. Pourquoi est-ce qu'il a écrit ce livre ? Pour que la Oumma soit informée qu'il y a des choses qui font sortir d'islam, qui annulent ton islam. Donc il faut t'en éloigner le plus possible et t'en écarter, délaisser ces choses-là. Eux, ils ont commencé à dire quoi ? Comme ils ont vu que sa da'wa, elle prenait de l'ampleur, ils ont dit, Yukaffiru al-Nas, Yukaffiru al-Muslimin. Regardez comment il rend kafir al-Muslimin. Il les rend kuffar. Il dit, celui qui a fait ça, il est sorti de l'islam. Celui qui a fait ça, il est sorti de l'islam. Il n'a jamais dit ça. Ça, c'est le hukm. Celui, par exemple, qui fait de la sorcellerie, il sort de l'islam. Hada al-hukm. C'est la règle. Est-ce que tu peux l'appliquer à l'al-mu'ayyin sur quelqu'un de précis, clairement et nettement ? Ça, tu ne peux pas. Il y a des conditions pour ça. Laysa man kafara fa huwa kafir. Wa laysa man ashraka fa huwa mushrik. Wa laysa man ahdatha fa huwa mubtadi'. Les gens les plus éloignés dans le fait de rendre mécréant, dans le fait de rendre fasiq, dans le fait de rendre mubtadi', dans le fait de rendre mushrik, c'est Ahl Sunnah. Al-Khawarij, ils rendent kafir. Al-Mu'tazila, ils ont rendu kafir ceux qui font le kaba'ir, les grands péchés. Subhanallah. Les gens les plus éloignés de rendre les musulmans kafir, mushrik, fasiq, mubtadi', hum salafiyoun. Hum Ahl Sunnah wal Jama'a. Pourquoi ? Parce qu'il y a des règles, al-dawabit, wala qawa'id. On ne rend pas quelqu'un innovateur comme ça. On ne rend pas quelqu'un kafir comme ça. On ne rend pas quelqu'un mouchrik comme ça. Comme il l'a mentionné l'imam Tahawi, « La nukaffiru ahadan min ahli al-qibla » dans l'aqida al-Tahawi, elle l'a bien mentionné pour montrer que c'est bien la religion et c'est bien le groupe du juste milieu. Nous ne rendons mécréants aucune personne des gens de la qibla, des gens qui prient en direction de la Mecque, c'est-à-dire parmi les musulmans. « Hatta taqum al-hujjatu alayhi » jusqu'à ce que la preuve lui parvienne, et qu'elle lui parvienne avec des conditions. Tayyib. Donc lorsqu'ils ont commencé à insulter Cheikh Mohammed ibn Abdel Wahhab, rahimallahu ta'ala, ils ont fait croire qu'il avait ramené quelque chose de nouveau, qu'il avait ramené des choses qui n'existaient pas, alors qu'à son époque, le shirk était présent, voire même dans les lieux saints. Et c'est là qu'il arrive avec cette da'wa et que le roi Saoud, à ce moment-là, lui aussi, a commencé à écouter les conseils de Cheikh Mohammed ibn Abdel Wahhab, qui n'a appelé que au tawhid et au sunnah, de revenir au tawhid et de revenir à la sunnah. Parce que le shirk était présent, le quburiyoun, les gens adoraient des tombes, ils faisaient des sacrifices pour les tombes, ils faisaient des vœux, aux morts, alors qu'ils étaient dans les lieux saints, subhanallah. Alors ça, quand c'est arrivé, c'était quelque chose de nouveau. Et ils ont dit, c'est lui l'innovateur. C'est lui qui a ramené des choses nouvelles. C'est pour ça qu'on entend jusqu'à maintenant Al-Wahhabiyya. Al-Salafiyya hiya Al-Wahhabiyya, yaqulun. Qui n'a pas entendu ça au moins une fois ? Subhanallah. Al-Salafiyya hiya Al-Wahhabiyya. La majorité des gens qui disent ça, c'est qu'ils n'ont même pas lu les livres de Cheikh Mohammed Abdel Wahhab. Qu'est-ce qu'il a écrit comme livre ? Usul al-Thalatha. Les trois bases. Man rabbuk wa ma dinuk wa man nabiyuk. La connaissance d'Allah, du prophète, de la religion. Sallallahu alayhi wa sallam. Kashfa shubuhat. L'effacement des ambiguïtés. Parce qu'au Quraysh, ils avaient une manière de répondre au prophète, sallallahu alayhi wa sallam, parfois avec des choses ambiguës. Comme par exemple, si Allah il aurait voulu qu'on fasse pas shirk, on ne l'aurait pas fait. Shubha. Kashfa shubuhat. Il a écrit ça. Tahdhir min ash-shirk. Kitab al-tawhid. Le livre de l'unicité. Ça, c'est nouveau, ça ? Quelqu'un qui parle du tawhid ? Hadha jadid ? Non. Cheikh Al-Islam Taymiyyah, avant lui, il l'a fait. Et d'autres avant lui l'ont fait. Mais il n'y a pas un prophète ou bien des gens de la sunna qu'ils appellent au tawhid de la sunna sans qu'on dise quoi ? Annahu majnoun. Les prophètes, on a dit, ils sont majnoun. Les gens l'ont dit, vous êtes des fous. C'est un sorcier, c'est un fou, délaissez-le. Il vient avec quelque chose de nouveau, on n'a jamais entendu parler de ça. Nous, on reste sur ce qu'étaient nos pères. Ahlul Bidr, c'est la même chose, ils disent la même chose. C'est ulama là, ulama al-hayd wa al-nifas. C'est les ulama des règles et des menstrues. Comme on l'entend. Ils insultent l'ulama comme Ahlul Bidr ont insulté à l'époque. As-sahaba. Parce que toujours le but c'est quoi? De couper les liens avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, tu peux pas le suivre si tu suis pas sahaba. Sahaba, tu peux pas les suivre si tu suis pas l'ulama. L'ulama min ahl sunnah. Alors on s'en prend sahaba, sauf aujourd'hui quelqu'un qui insulte sahaba, c'est trop, tu peux pas le suivre. Tu vas dire, il a pété un plomb celui-là. Moi je vais suivre quelqu'un qui insulte sahaba. À part Shia qui insulte Abu Bakr wa Omar wa Aisha radiallahu ta'ala anhum. Alors ils ont trouvé une autre méthode, c'est d'insulter l'ulama, d'écarter la umma des ulama, des savants de Al-Sunnah. En les appelant par tous les noms. Ulama al-Hidd wa al-Nifas, ulama al-Sultan, hein, les savants du roi. Et d'autres insultes. Allah al-Musta'an. Wa qala al-Malik Abd al-Aziz ibn Abd al-Rahman Ali Sa'ud rahimahullah fi zamanihi. Le roi Abd al-Aziz ibn Abd al-Rahman Ali Sa'ud, c'est pour ça qu'on appelle ça le Mamlakatul Arabiya Saoudiya, c'est de la famille Ali Sa'ud. Jusque même un Hizbi l'a dit Al Mamlakatul Arabiya Al-Yahoudiya. يسبوا السعودية يسبوا أهل التوحيد ويسبوا السلفيين وأهل السنة. قال المالك مالك عبد العزيز بن عبد الرحمن قال إنني رجل سلفي وعقيدتي هي السلفية التي أمشي بمقتضاها على الكتاب والسنة. Il a voulu rassurer les gens à ce moment-là. Parce qu'il entendait tellement de choses sur Mohammed Abdel Wahhab, rahimallah, qu'il a commencé à éclaircir des choses. Et là, il a dit quoi? Il a dit, je suis un homme salafi. Gagne le kitab et wa sunnah bifam salaf. Ma aqida hiya as-salafiyya. Aqidatu as-salafiyya, yani aqidatu as-sahaba, aqidatu as-salaf. J'ai la même aqida que l'aqida des premiers qui nous ont devancés, as-sahaba, radiallahu ta'ala anhum. Et cela basé sur le Coran et la Sunna. Il est où le mal là-dedans? Il est où le mal de suivre As-Sahaba, As-Salaf dans la compréhension du Coran et de la Sunna? C'est pas ce que chaque musulman doit faire? Est-ce que ce n'est pas ce que chaque musulman doit accomplir, revenir As-Salaf? Tayyib. Thumma qal والذي نمشي عليه هو طريق السلف الصالح ولا نكفر أحدا إلا من كفره الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. Nous marchons sur la voie des pieux prédécesseurs, as-salaf as-salih, des pieux prédécesseurs. ولا نكفر أحدا, et nous ne rendons mécréants personne sauf celui qu'Allah et son prophète ont rendu mécréant. وليس من مذهب سوء مذهب السلف الصالح. Et ce n'est pas un mauvais chemin, une mauvaise école que de suivre le chemin des pieux prédécesseurs. طيب. Donc, lorsqu'il a entendu tout ça, il s'est mis à parler de ces paroles-là afin de rassurer les gens, et on n'a rien ramené de nouveau, on ne fait que faire revivre cette sunna, que les gens reviennent au tawhid, qu'ils abandonnent le shirk, qu'ils reviennent à la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'ils délaissent les innovations des gens qui ont inventé des croyances, qui ont inventé des actes, qui ont inventé des paroles par lesquelles on pourrait se rapprocher d'Allah alors qu'elles n'ont jamais été légiférées. On n'a jamais trouvé une preuve ni dans le livre d'Allah, ni dans la sunna du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam. ولهذا قال المؤلف رحمه الله أن مع أن دعوة السلفية هي أبعد ما يكون عن التكفير والتبديع والتفسيق بغير الدليل. سالدعوة دعوة أهل السنة والجماعة c'est la dawa la plus éloignée dans le fait de rendre kafir quelqu'un, dans le fait de rendre fasiq, un pervers quelqu'un, ou dans le fait de rendre mécréant quelqu'un, ou dans le fait de rendre innovateur quelqu'un. On ne doit pas marcher avec ça. On marche avec ad-dalil, avec des preuves. Avec des preuves. Et il y a des règles. Et combien, lorsque les gens ont commencé à s'éclaircir dans leurs esprits et à voir qu'en vérité, ad-da'wa salafiya, c'est ar-ruju' ila salaf, c'est le fait de revenir à salaf, alors les innovateurs, ils n'ont plus rien trouvé à dire. Sauf une chose, c'est de se dire hum as-salafiyoun. Nahnu salafiyoun. Puisque les gens ont commencé à comprendre qu'il fallait délaisser les innovations et qu'il fallait bien suivre le Coran et la Sunna à la compréhension des pieux prédécesseurs, alors ils se sont dit, on ne peut plus combattre Al-Sunna. Ça y est. Donc la deuxième rue, ça a été de quoi ? De rentrer fi sufuf as-salafiyyin, dans les rangs des salafis, et de commencer à lâcher leur poison, et de lâcher leurs innovations, et de commencer à diviser as-salafiyyun baynahum. Et cela, ça ne remonte pas à très longtemps. Avant, il y avait les gens de Al-Sunna, il y avait Salafiyoun ou Al-Bidah. Et on ne trouvait pas le Mubtadi'a parler sur le Mubtadi'a. Un d'un tel groupe, il ne parlait pas sur un tel groupe. Tel groupe, il ne parlait pas sur tel groupe. Mais quand il s'agissait de parler de Salafiyoun, tout le monde parlait sur Al-Salafiyyin ou Al-Salafiyya. Ils insultaient la Salafiyya. Ils insultaient Al-Salafiyyin. Hein, en les traitant de tous les noms. Et lorsqu'ils ont vu qu'ils ne pouvaient toujours rien faire et que les gens ont commencé à comprendre c'est quoi ce madhhab al-salaf, manhaj al-salaf salih, alors là, ils ont vu qu'ils ne pouvaient plus rien dire. Alors qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils sont rentrés dans les rangs. Et ils se sont dit, « Nahnu salafiyyun, nahnu kadhalik nattabi'u al-kitabi wa sunna bifam al-salaf. » Eux aussi, ils ont commencé à dire, « Nous aussi, on suit le livre d'Allah et la sunna du prophète sallallahu بفهم السلف الأمة وهم ليسوا بسلفيين وهم أهل البدع والهوى et ils ne faisaient en aucun cas ils ne font partie de ces gens-là. Alors on a commencé à entendre tous les noms comme السلفية الجهادية والسلفية كذا والسلفية كذا والسلفية كذا. La السلفية هي السلفية. Ils ont commencé à vouloir diviser en deux السلفية الجهادية والسلفية العلمية. يعني السلفي دو العلم سي سو دو العلم لوت سي الجهاديه تاع الجهاد لا هم تكفيريون وهم الخوارج سي بور سا كو الشيخ الالباني كونت إلا كومونسا أونتوند سي شوز لا إلا دي رحمه الله دوني فو لو نون كو فو فولي فو زيت توجور لي ميم فو بوفي فو زابلي سلفيون لا لا لا لا لا ديفينيسيون إل كوريسبون با افيك فو مي أون فو ريكونيترا كون ميم بوركوا باسكو فو زافي توجور لو ميم منهاج فو زافي توجور لا ميم كومبرهنسيون فو كومبروني فو تكست à la manière de l'Khawarij. Où vous tuez les musulmans et vous les rendez kuffar. Il n'y a aucun texte qui ramène comme quoi l'Khawarij, à chaque fois qu'on a parlé de l'Khawarij, c'est parce qu'ils combattaient les musulmans. Et personne d'autre. À chaque fois que les textes parlent de l'Khawarij, ils combattaient les musulmans et ils tuaient les musulmans. Ils s'en prenaient aux gens de la Ummah. Jusqu'à ce que les sahaba les ont combattus eux-mêmes. C'est pour ça que Abu Hurayra radhiyallahu anhu leur a dit la tufaqihuna shay'an min ad-din. Hada qawl an-nabi sallallahu alayhi wasallam. La yufaqihuna shay'an min ad-din, ils comprennent rien de cette religion. Wa Abu Hurayra leur a dit antum, parce qu'ils lisaient beaucoup le Coran, antum tuqimuna al-huruf wa nahnu nuqimuna al-hudud. Vous appliquez les lettres. Parce que vous lisez le Coran, mais ça s'arrête là. Nous appliquons les règles. En vérité, ils appliquent aussi bien les lettres que les règles. Pourquoi ? Parce qu'ils n'appliquent pas. Quand Abdullah ibn Abbas il est venu les voir, il leur a dit « Assalamu alaikum ». Ça, c'est la preuve que Sahaba ne rendait pas kuffar al-khawarij. Leur bid'a ne les a pas fait sortir de l'islam. Al-Khawarij lui ont répondu, Marhaban bik ya ibn Abbas. Bienvenue à toi. La yaruddu salam. Il ne rendait pas le salam. Pourquoi? Parce que pour eux, c'est un kafir. Alors il ne rendait pas le salam. Tayyib. Et Allah tabaraka wa ta'ala n'acceptera jamais une religion qui n'est pas la sienne. Seulement celle à la compréhension de Sahaba. Ceux qui suivent As-Sahaba, Abu Bakr, wa Omar, wa Uthman, wa Ali, wa ghayruhum. Wa yaqul Allahu jalla wa ala. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورديت لكم الإسلام دينا. Aujourd'hui, j'ai parachevé ma religion. أكملت لكم دينكم. Votre religion, je l'ai parachevée. Ça y est, c'est fini. Il n'y a plus rien à rajouter dedans, il n'y a rien à enlever, il n'y a rien à transformer. وأتممت عليكم نعمتي. J'ai descendu sur vous, j'ai parfait sur vous mon bienfait. ورديت لكم الإسلام دينا. Et je n'agrée de vous comme religion que l'islam. Même en l'islam, la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah, sallallahu alayhi wa sallam. La ilaha illallah, tawhid, Muhammad Rasulullah, sallallahu alayhi wa sallam, ittiba' sunnah. Ittiba' sunnah. Al-kitab wa sunnah. Al-tawhid wa sunnah. Hada manhaj al-salaf. Hada manhaj al-sahaba. Wa hada manhaj al-sunnah. وقال الله عز وجل وان هذا صراطي مستقيما فاتبعوه. Et voici mon droit chemin. Allah عز وجل a mentionné cela. Et voici mon droit chemin. فاتبعوه امر الله عز وجل. Allah عز وجل a ordonné ici, suivez-le ce chemin. فاتبعوه, suivez-le. Mais on a dit qu'Allah عز وجل dans ces versets الترهيب والترهيب والترهيب والترهيب. Quand il commande un bien, il y a un mal, il interdit un mal derrière. Quand il interdit un mal, hop, il recommande un bien derrière. Wala tattabi'u subul. Et ne suivez pas les autres chemins. Ça prouve pas qu'il y a une division ici? Si Allah Azza wa Jalla te dit suis ce chemin, mais ne suis pas les autres chemins. Ça veut dire bien qu'ils existent, subhanallah, ces autres chemins. On les a pas inventés. Ce n'est pas nouveau. Et ça ne fait que confirmer ce qu'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Wala tattabi'u subul. فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِي. Ne suivez pas les autres chemins. As-Subul. Ça prouve que le droit chemin, il n'y en a qu'un. Ça prouve que السَّلَفِيَا هِيَ وَاحِدَ وَإِتِّبَعَ السَّلَفْ مَنْهَجُ وَاحِدَ. C'est un seul chemin, ce n'est pas deux chemins. السَّلَفِيَا هَكَذَا وَالسَّلَفِيَا هَكَذَا لَيْسَ بِالصَّحِيَا. Ça, c'est faux. Le chemin de Salaf, il n'y en a qu'un. Il n'y a pas le chemin de Salaf comme ça et le chemin de Salaf comme ça. Non, il n'y en a qu'un. Suivez mon chemin, ne suivez pas le chemin. Les autres chemins. Sinon, vous allez vous diviser. Allah Azza wa Jalla a dit. فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِ. Vous allez vous diviser, vous allez diverger de mon chemin. Vous allez diverger, vous allez prendre un autre chemin. Il y en a beaucoup. Pourquoi est-ce qu'Allah Azza wa Jalla mentionne مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ. الْجَمْعُ. الظُّلُمَاتِ. Il y a plusieurs. Des ténèbres. À la lumière, An-Nur, à la lumière, parce qu'il n'y a qu'une seule lumière, il n'y en a pas 15. Par contre, les chemins égarés, il y en a plusieurs. La preuve dans ce verset, As-Subul, ne suivez pas les chemins. Le prophète a tracé un trait, un grand trait, il a dit ça, c'est le chemin d'Allah, Al-Kitab wa Sunnah. À droite, à gauche, il a fait combien de chemins? Plusieurs chemins, et des petits chemins, faciles à emprunter. Parce que tenir la Sunnah, ça va vite, tu peux vite dévier dans. Dans un autre groupe. Tayyib. Et la preuve qu'on doit revenir à tout, au manhaj de Salaf au Salih, des pieux prédécesseurs, c'est ce verset où Allah Azza wa Jalla a dit فَإِن تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْء فِي شَيْء يعني فِي كُلِّ شَيْء. Dans une chose, si vous divergez dans une chose entre vous, vous avez un problème entre vous sur une chose, فِي شَيْء فَرُدُّهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولُ. Renvoyez-le à Allah et à son prophète et à son messager. In kuntum tu'minuna billahi wa bil yawmil akhir wal yawmil akhir. Si vous croyez en Allah et au jour dernier. Dhalika khayrun wa ahsanu ta'wila. Et cela est de meilleure et bonne interprétation. Hein? Fi shay, Allah Azza wa Jalla a mentionné. Ça veut dire quoi fi shay? Quelle que soit la chose. Ça veut dire que celui qui est min ahl sunnati wal jama'a, man huwa as-salafi was-salafi fi kulli shay. Et c'est là que tu vas remarquer la différence entre Al-Sunnah Al-Salafiyoun ou Al-Bidah qui se font passer pour Al-Salafiyoun. C'est que Al-Salafi yattabi'u Al-Salaf fi kulli shay. Dans toute chose de la religion d'Allah, il suit Al-Salaf. C'est pas il les suit dans 99% et dans une mas'ala, dans une question religieuse, il a décidé de suivre une autre compréhension. Pourquoi ? Ça veut dire que les Sahaba se sont trompés là dans ce chapitre-là ? Dans cette question-là, il y a khata min as-Sahaba ? Non, c'est toi qui es en train de changer de manhaj. Là, tu es en train de comprendre, dans cette question-là que tu as laissée toute seule, tu es en train de comprendre à une autre compréhension que Salaf. Alors qu'Allah Azzawajal l'a mentionné, Shay. Hein? Chaque chose, dans toute chose, tu dois revenir à Allah et à son messager, sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam. Wa yaqul Allah jalla wa ala, inna alladhina farraqu dinahum wa kanu shiya'an, lasta minhu fi shay. Hein? Ceux qui ont divergé hein, dans leur religion, hein, ils sont éparpillés dans leur religion et qui ont des groupes, tu n'as rien à voir avec eux. Maza qala Allahu azza wa jalla, il parle à son prophète sallallahu alayhi wa sallam, lasta minhum fi shay. Tu n'as rien à voir avec eux. Parce que toi, tu restes sur al-kitab wa sunnah. Comme Allah azza wa jalla lui a révélé. والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين بارك الله لي ولكم. On fera la suite de المقدمة la semaine prochaine.